celui qui me disait je t'emmènerai où c'est promis. Mais pour l'instant tu es trop petit, fais tes preuves sur la vie. Il est parti. Et moi j'essaierai d'être le meilleur. J'essaierai de n'avoir jamais peur. J'essaierai. Je me ferai la guerre. J'essaierai. Pas compris, j'ai pas d'amis et je m'ennuie. Ce qui les fait rire ne m'inspire que du mépris décalé. Sois fier. J'ai mis les bonnes croix dans les bonnes cases, bien répété ce qu'on m'a appris, pas réfléchi. J'ai testé la réalité, j'ai travaillé des petits capots. Et j'essayais d'être le meilleur. J'essayais de n'avoir jamais peur. J'essayais, je me faisais la guerre. Que tu sois fier.